fille. Attachez solidement vos ceintures. Attention, nous décollons. Bonsoir et bienvenue dans l'Antichambre, comme tous les jeudis, tous les lundis, à partir de 21h, sur Radio et les Bords, 105.9 FM. Ce soir, une émission particulière, puisque nous allons la dédier au groupe mythique marseillais, j'ai nommé IAM, un groupe qui s'est formé autour de deux personnalités, Chill alias Akhenaton, et DJ Kiops, les deux officiants dans les années 80, les deux seuls d'ailleurs faisant du rap, du hip-hop, mixant et rappant dans les rues de Marseille dans les années 80. Ce sont des ombres. Je suis sûr du contraire, il y a des gens. Au départ, donc dans les années 80, avec d'autres camarades, ils avaient fondé un groupe qui s'appelait les Lively Crew, qui s'est transformé en B-Boy Stents. Et puis la rencontre avec Shuriken a changé un petit peu la donne. Shuriken est devenu le deuxième MC du groupe. Et puis après, c'est une rencontre fondamentale aussi, celle du sampleriste Imhotep, et qui est devenu l'architecte musical d'IAM. Le groupe adopte donc le nom d'IAM, et grâce au Massilia Sound System avec qui il traîne, donc à cette période-là, qui font pas mal de choses sur Marseille, eh bien ils peuvent enregistrer une première démo, une cassette qui s'appelle Concept, une cassette à peine tirée à 300 exemplaires, qui était donc très très rare et qui a pu finir dans de très très bonnes mains sur Paris, puisque très rapidement c'est le label indépendant Label Noir qui les contacte, non seulement pour une éventuelle signature chez eux, mais en plus jouer des premières parties, et pas des moindres, celle de Madonna à Paris-Bercy, et puis plus tard celle de James Brown ou Kid Frost. C'est le début d'une véritable histoire, puisque Label Noir continue à leur faire confiance, et c'est là la création du premier album d'IAM, qui s'appelle donc De la planète Mars, qui est sorti en 1991. Un très très bon premier album sur lequel on retrouve déjà des morceaux de la cassette Concept, mais on retrouve aussi plein d'autres morceaux. Et c'est cette cassette qui a, ce CD plutôt, qui a commencé à vraiment faire la renommée du groupe à travers la France. Incroyable et merveilleux. Quelques maxi en marge de cet album sont donc sortis à l'époque, et la particularité d'IAM, la politique qu'ils ont toujours tenue depuis leur début, c'est pour chaque maxi sur la face B de proposer un ou deux morceaux qui n'ont jamais été sortis sur un album. Donc voilà, ce soir on va vous passer un mix de quelques morceaux qui sont rares, qui ne sont pas justement sur l'album de la planète Mars, soit des remixes, soit des inédits. On va notamment s'écouter le morceau Red, Black and Green, un de leurs morceaux phares justement, mais ça va être un remix, le Sofa Jazz Remix. On s'écoutera aussi le morceau Planète Mars, donc pareil, un de leurs morceaux phares de l'album, mais cette fois c'est un remix, et tenez-vous bien, de l'américain Easy Moby, donc à l'époque était quand même un monstre, sachant qu'il collaborait en même temps avec des gens comme Miles Davis et la crème du hip-hop américain. On s'écoutera aussi le morceau Hold Up Mental, donc ça c'est pour parler de leur technique, le Hold Up Mental qui signifie en fait s'infiltrer on va dire dans les médias, en tout cas pour faire passer le message positif du rap et du hip-hop. On s'écoutera aussi le morceau qui s'appelle Fuis LAI, ça c'est avec leurs camarades de Marseille, il y a entre autres Arnaud, aussi le Dope Rhyme Sayer qui est l'ancien nom de Faflarage. On retrouve aussi Salia qui est la première rappeuse marseillaise à rapper, qu'on retrouve aussi sur le rap attitude. Mais on va commencer par un premier morceau qui s'appelle Le Livre de la Jungle. Là, c'est donc un inédit qui ne se trouve pas sur l'album, tout comme Hold Up Mental et ou Fuis LAI. Donc Le Livre de la Jungle en featuring avec leur pote Arnaud. Voilà, c'est parti pour la première, pour le premier mix signé IAM, début des années 90. Le drap de la nuit recouvre la ville millénaire. Une atmosphère, la vigilance est nécessaire. Des millions d'histoires, en voici une parmi tant d'autres. Chaque minute désormais te sera comptée tard. Le soir dans les rues du centre de Mars, le livre de la jungle est ouvert, que commence la chasse. Sans pitié, sans remords, sans regret, sans même sourciller. Des enfants s'apprêtent à faire une arrachée. Une ferme noire fait le trottoir assise sur un mur. Quel avenir, ça semble dur, sûr. Je suis fatigué de voir, de croire, avoir de l'espoir, me paraît dérisoire. De côté la situation pour une nuit pas. La volonté de mentir est fait que je suis là. Mais ceux qui n'ont pas eu ma chance en parler. Des balles s'étalent, tout au fond de la spirale. Dans les sifflets sournois des serpents, du livre de la jungle que tu découvres à tes dépens. la jungle urbaine, y'a de drôles de spécimens, des animaux crapuleux, c'est pas la peine. Il y a des renards croisés avec des fennecs, des rats, des goûts, des hyènes, des chacals, des loups et des chiennes, des rapaces charognards, des vautours, des serpents, toute la gamme affamée des insectes rampants et qui vont se dissimuler en des animaux sympathiques pour ensuite se révéler être de violents parasites. Ce ne sont pas toujours ce que l'on croit, des mauvaises bêtes qui sont des pires et changent tous les jours de tête. Beaucoup de chasseurs me saoulent, me cavent, travent, les caves bavent sur des bases nazes, mais je fais table rase. Ils ont voulu me faire passer pour un violeur, un tueur, une menace venue de la planète meurtre pour terroriser la France avec mon micro illégitime. Un rumeur à gage dans la lignée de Mesrine. Si je les avais laissés parler, ils auraient suggéré de m'incarcérer pour avoir dit la vérité. Mais je suis assez malin, la seule peine dont je suis passible. J'ai pris des crétins et les ai butés comme des cibles. Pour toujours pas de détour, je le trouve lourd qu'ils ne viennent pas me donner de conseils en ce qui concerne l'amour. La chose que c'est par sa catégorie et moi, c'est que lui finit de baiser sa femme avec le petit doigt. Bien éduqué, je suis un rital et fier. Pas comme lui qui a trahi sa race à coup de billets verts. Je n'ai pas oublié, je garde le goût amer du temps où les Français voulaient nous balancer à la mer. Tout en restant simple, lucide et humble, je viens directement tiré du livre de la jungle. Je ne suis pas anti-français, mais contre la jungle franchouillarde qui nous ressent ses traditions de druides et de bardes au lieu de fonder une nation qui fait bloc bien unie. Elle a la capacité d'intégrer toutes ses ennemis. La connerie n'a pas Dieu, elle contamine toutes les races, passe toutes les couleurs et toutes les classes. De notre côté, certains s'y exposent plus à RTNO, un autre point de vue. Tourne la platine, accompagnant le 107, le saphir en V double sens. Se va bien pour gratter le micro-sillon sur lesquels le mémo vient et vont. Ainsi font, en guise d'introduction, les rappeurs blasés qui s'acharnent à rester dans le ton. Mais moi je me marque étant libre, je compose en paix. Dans l'état d'esprit de l'enfant de cas, mes amis, je fais mes voix. Des wannabes déboulés me demandent pourquoi je rappe. Je réponds que j'écris mon amour quand mes mots ont un sens. Ne m'inspire en aucun son puisque j'écris dans le silence. Baby, est-ce que tu mesures présent l'importance de celui-là même qui regarde le monde libre et seul et pose un poème au thème, écarté spontanément de tout stéréotype fréquent. Depuis que les médias façonnent l'archétype du jeune en colère qui construit ses vers et dont les paroles témoignent simplement d'un malaise social, disent-ils. Mais quand ils se seront noyés dans leurs bêtises, j'ajouterai un chapitre décisif à leur analyse. Tourne, tourne ces pages que je ne les découpe afin qu'ils ne figurent plus jamais dans le grand livre. Livre de la jungle, page 7, verset 3. Un nouveau poète transforme et révolutionne la philosophie dans cette duel impériale des hommes. Dans la sphère rouge et l'opidum, mais comme nos rangs, pomme les âmes, j'assomme et donne des coups de dents dans les idiots. Bad boy, pom pom. Donc, fais sur ceux qui aiment danser et vivre, qui tiennent dans leur cœur toutes les pages du livre. Tu veux la grève? Ok. Manolo, oui. Tue cette merde écluante. C'est vraiment pas la peine, je regrette de le dire, les hommes sont les mêmes, malgré les pressions et l'argumentation visant à la destruction de ma nation. Même si j'ai grandi au milieu des rues, ayant derrière moi des tas de flics au cul, je me suis vu et je suis m'engager sur une piste. Les cités de Marseille semblent bien tristes. L'enfance est passée, depuis combien d'amis sont tombés, ne se sont pas relevés. Combien de mères j'ai vu pleurer sur les corps de leurs fils par la mort fauchée. Pendant 7 jours, sur le béton des tours, les larmes de Dieu qui tombaient du ciel. Pour ce monde fou de Satan la cour, je regardais les violences de mes yeux de miel. J'ai vu les feuilles mortes, les arbres en automne, tourner à la couleur rouge vif comme le fleuve de sang qui encore se répand, prend sa source en Afrique et s'étend aux quatre vents. Oh yeah, la note est bien lourde, tu ne vois pas ce sang, t'as la mémoire courte où tu fuis tes souvenirs à une idéologie et volontairement tu te la raccourcis. Alors dans ce cas tu es mon ennemi. Viens ici, si ma religion m'enseigne un vœu de paix, la paix ne compte plus si je me sens blessé. Tu te souviendras de la couleur du sombre rouge, tu te soumettras, pas d'accord, bouge. Toi le frère noir aveugle et sans attention, rouge est la couleur de la révolution. It began in Africa. A whole lot of talk about the red, black and green. It began in Africa. A whole lot of talk about the red, black and green. It began in Africa. A whole lot of talk about the red, black and green. It began in Africa. A whole lot of talk about the red, black and green. La rue, combien d'enfants a-t-elle emporté, en a-t-elle eu?

sûr, si juste, car du tout, car je me fous des fous qui foutent la merde partout. Mais où exactement, actuellement, c'est dans leur tête ou dans leur froc, les LAI pètent plus haut que leur cul, ils me volent dessus. Poulie, cela joue et celui-là, je l'ai descendu. J'ai un nouveau style, en voici un ersatz pour toi, et attaque avec finesse et classe, tu vois. Maintenant, je rentre dans une phase où je brûle mon violet, double face et plein de gaz. Zoom de gauche à droite, avant, arrière, de bas en haut. L'impérial asiatique revient nouveau sur le micro. AFUL, AI, tu m'as trahi, tu as failli être un ami, mais tu es laid et c'est fini. Je prends des paris, donne mon avis. Tu écoutes du rap car tout le monde ne fait aussi pas de chichi. Loin de moi, dégage à n'importe quel prix. Fuis, LAI, fuis, LAI, fuis. Les LAI dominant le monde est tandis que nos voix en commun te mènent vers la fronde. Tu as trop parlé et je t'ai repéré. Désormais, tes abus de confiance, tes désirs de dominance font que désormais je te tiendrai à distance. Confronté à une situation qui te dépasse, à nouveau ton cerveau s'encrasse, ton envie te terrasse. Et tu redeviens d'un coup le vrai LAI en déversant plus fort tes flots de conneries. Plus féminine que jamais, je m'impose le droit, m'engageant à chaque heure sur une nouvelle voie. Mais toi sauras suivre le trajet de mes rimes, destiné à toucher ton cœur, le par le style qu'il estime. Contre le mal, je m'oppose et enseigne, positive et en puissance que les femelles règnent. Détrôné et ni masculin, rien dans les bras, ni plus bas, macho, la devise est pour toi. Fuis, LAI, fuis, LAI, fuis. S-A-L-I-H-A au mic, insupportable, inévitablement inoubliable. Par mes mots, victime de mon niveau, j'attaque en force sur le tempo. Mes mots, spécialement dédicacés pour les machos style. Mon cul belle gueule, mais vraiment les deux bases en hockey. Le soir reste seul et rend comme un idiot, cela joue en pro en S-O-L-O. Sophie, L-A-I, puis L-A-I, puis. J'ajoute une modification au dicton qui dit: chargez-vous de mes ennemis, je m'occupe de mes L-A-I. Putain, j'ai les jantins qui me démangent, comme une envie de se plaquer en bas de terrain juste entre tes hanches. Cela vaudra pour toutes les fois où tu m'as salué, alors que quand j'ai le dos tourné, tu dévales tes insanités. Ton numéro a giclé de mon capin aujourd'hui, il a fini dans les égouts comme toi, L-A-I. Observateur, analyseur, éliminateur de soccer, le tour prompteur ne fait aucune faveur au LAI qui tourne autour de moi. Je gicle celui-ci, un coup de pied à celui-là. Encore deux de dégâts, mais je vise un plus haut. Avec mon boss, on va s'attaquer au réseau. Trop beau, les chauffants de devant mes paroles. Tu suis différents styles de musique merdique, rappelez que les LAI. Je pense pouvoir éliminer des LAI par ma présence. Comparer mon skill et le leur serait une vraie offense. Car l'écriture de mes vers relève du secret de défense. Les MC sous acide braille et verse dans la démence. Je leur fais un shampoing élaboré à base d'essence. J'allume la cigarette, merde elle est tombée, elle aille brûle en fait. Tout est calculé, je l'ai fait exprès, j'ai décidé de faire un barbecue. J'ai mis le feu à un lait. LAI, des laits que je hais, tu fais un modèle parfait. Test pour le H, ridicule pullule. Je ne veux point de ça, je ne t'aime pas. Fuis où tu subiras la cruauté de ma loi. La F, le ZME et la contre celui qui salit, celle qui lui donne la vie. Fuis LAI, fuis LAI, fuis. Au pied, couché, fais le beau LAI. Ce sont des attitudes que tu devrais adopter, oui. Chers auditeurs, laissez-moi vous présenter le lait animal débile, stupide qui est allongé à mes pieds. À première vue, on pourrait croire qu'il est féroce. Bon, allez, ferme-la et fais-toi les dents sur le nonos. Bon, j'ai compris, il veut descendre faire son pipi. Putain, je suis dégoûté dehors, il fait un temps de LAI. Fuis LAI, j'ai un DJ, fuis LAI. Ragamuffin, reflect rhyme sur la version. En ébullition, nos têtes vont bientôt éclater. Inévitablement, la sentence va tomber. Connu dans les sound systems, on bat d'endem sur le GM. Fuis LAI, tu en as parmi tes amis. Bam! Fuis LAI, si tu en as dans ta famille. Rahim Kredit te fait une démence de sa dextérité à faire fuir les cons. Écoute bien ce style pour toi le LAI. Et tu verras que ta place se trouvera après les wannabes. Les wannabes sans boy les LAI. Ça cause des ennuis d'Adi Chilwa MKG on t'aime permis de tir. Car Roughneck nous sommes dans la place. Roughneck nous sommes comme nous. Roughneck nous sommes dans la place. Roughneck nous sommes. Respect le Marseillais. Tout de suite un petit bonus. Le morceau Je viens de Marseille avec leur pote du Soul Swing and Radical. Je viens de Marseille, la ville fautique. Ce qui implique logique, l'unique chaleur de mes lyrics. Se fixe et se glisse, qu'importe le rythme. Mais celui-ci est volontairement pur, dépouillé, mais formé ainsi. Vous êtes introduit dans le siège de l'alliance afro-asiatique. Niveau rap musique, un peu stratégique. Mythique, mystique, cauchemar des xénophobes. Amen, enquête, quel est le lien? Dis-moi d'où tu viens? Je viens de Marseille ou Pharaon Excel. Attention au son de l'éternelle production. Sans crier, car la vérité se révèle face à vous. Un sujet tabou en tout et pour tout. En 90, le soul swing et radical persiste. Sans risque, poursuit sa liste et j'insiste. Pharaon, Akhenaton, roi, soleil. Dis-moi d'où tu viens, où tu te réveilles? À Marseille, tu t'en fous, je te l'avoue. Pour nous c'est pareil, un conseil, surtout veille. Mais qu'essaye d'assimiler la balistique linguistique, des phrases érologiques, kamikaze mythologique, rimologiste, scientiste à la technologie du style de rap avancé et prodigue. Viennent de la planète Mars, et non d'ailleurs, et oui, ils symbolisent la revanche des enfants du soleil. Je suis que dis-moi si tu viens de Marseille. Les rues de Goudronnerie et Salon est d'apôtre toi. Martelé par les pas des prostituées, quand c'est belle, le soir c'est de là que je viens, là où je naquis. Dans quelques années, c'est ici que se terminera ma vie. Dans cette ville où 10 000 cités, aux 1000 et une filles où le béton les tours, caresse à tonne qui brille. Mais ne te méprends pas, le pays d'où je viens n'a rien à voir avec celui des merveilles. Je viens de Marseille. AM and the Soul Swingin' Radical, live de la planète Mars. Sign off. Cool it. Your mama's going on a date. Can you dig that? Dig this. Du sample à l'original et de l'original au sample. C'est pour clider là. Dig this. Cool it. Your mama's going on a date. Can you dig that? Can you dig that? Dig this. Hold up the phonograph. Restons sur cette période d'IAM, début des années 90, album de la planète Mars, et écoutons un des morceaux peut-être un peu méconnu. Le morceau s'appelle Un peu trop court. Le frère originaire de la Terre-mère. S-H-U-R-I-K apostrophe quoi? N. Éveille des sensations issues du nous-mêmes. Vibrations provoquées par le phénomène. Du toucher magique, poétique, physique. Caresse linguistique au son de ma musique. Le souffle de la basse sur le satin d'une peau. Achève sa courbe dans le bas du dos. Danse silencieuse. Désir d'une nuit. Soupir mélodieux. Plaisir assouvi. Smooth. Sonne dans le noir, elle veut le qu'on leur prouve. Les yeux mi-clos, les lèvres sans trou. La lumière de la lune par la fenêtre de la chambre. Laisse deviner des formes pures comme l'ambre. D'ombre René. Encore un jour à venir. Dans une pièce où il ne reste que des souvenirs un peu trop courts. Gaucher du traîneau en route pour le 7ème ciel. Invite au voyage sans faux, sans artifice. Glissez-vous à bord, j'ai un ticket gratis. Et si vous avez un doute, je joue. En instant dans le flou, entre l'enfer de paradis et vous. Chaque fois que ce point est atteint, j'entends la même musique et le même refrain. Je suis la mélodie, pas une parodie. Les notes de la vie qui envoûtent vos esprits. Jour après jour, ma touche de velours éveille vos sens aux mille voix de l'amour. Pourquoi croyez-vous que Bilob est ce qu'elle est? C'est vrai, je peux apporter beaucoup de sentiments, mais j'en attends autant en retour. Les hommes aiment toujours un peu trop court. Court, ai-je bien compris? Je passe tout mon temps à écouter cette mélodie qui sort du fond du cœur sincère pour que les femmes n'aiment plus trop court. Un peu trop court. Je ne suis pas doux, mon nom est Chile, je deal mes services privés aux filles. Le smooth operator commande l'engrenage. Il t'emmène planer et te dépose en nage. Pensif, somnolent, possessif, plein d'élan. Les gémissements s'envolent au gré du vent. Augmente le son qui sort et sent. Les frissons t'envahirent lentement. En aucune manière je ne briserai l'état privilégié où je t'ai plongé. Je te promets une tournée au fin fond de la constellation du Bélier. Transcende ton âme sous le ciel étoilé et te ramènerai par la voie lactée au rythme d'une mélodie jour après jour. Peux-tu me jurer que ce ne sera pas trop court? Non, car je ferai appel au ciel, au soleil, pour qu'il me garde une nuit de plus en éveil. À tes demandes je ne resterai pas sourd et tu ne trouveras pas ça trop court. Le morceau s'appelle Un peu trop court, il était sorti sur l'album De la planète Mars, super morceau où Akhenaton et Shuriken se renvoient magnifiquement le micro. Et puis pour faire ce morceau, l'architecte musical donc nommé Imhotep, avec ses superbes références soul funk, nous a décoté un morceau d'un groupe qui s'appelle Creative Source. Il s'agit d'un groupe formé au début des années 70 qui nous vient de Californie, un groupe donc de R&B soul music, et le morceau s'appelle You Can't Hide Love et c'est issu de leur premier album éponyme sorti en 73-74, donc Creative Source, You Can't Hide Love. You want my love and you can't deny. Oh, Après la grande réussite musicale, artistique et commerciale aussi de l'album De la planète Mars en 91, IAM continue ses recherches musicales et continue à évoluer. C'est les grands débuts du hip-hop français à une époque où on voyait surtout Supreme, NTM, MC Solar et Assassin. IAM semble être au-dessus du lot. Et voilà, les voilà en 93, annoncer la sortie imminente d'un album qui va s'appeler Ombre et Lumière. Et pour annoncer la sortie de cet album, un maxi va sortir en prémisse. Le maxi s'appelle Donne-moi le micro, avec 4 morceaux qui n'apparaîtront pas du tout sur l'album, donc 4 inédits. Et on va tout de suite s'écouter le morceau justement qui annonce Donne-moi le micro, un morceau assez rigolo où on voit Akhenaton et Shuriken atteints de microphonite aiguë, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de parler dans un micro dès qu'ils en voient un. Voilà, Donne-moi le micro. Et chill, je crois que tout le monde dort, profitons-en pour aller faire un tour dehors. J'en ai assez de ce lit hôpital, usé d'un micro rapidement pour mon équilibre capital. Jouons, regarde dans le couloir, y'a rien. Partons, ils ne s'en apercevront que demain, alors pas de bruit. Avant de sortir de cet enfer, le veilleur de nuit est dans le vestiaire avec une infirmière. Le métro, quel est le crédit dans tes poches? Zéro, tant pis on enjambe, oh ça sent le micro. Ouh, là, le signal d'alarme à ne briser qu'en cas d'accident. Tout abus sera puni, je m'en contrefous, j'abuse. J'éclaircis ma voix, ici I am. Check. Un, deux, pour des contrôleurs, mes mains sont moites, ma bouche sèche, mon front en sueur. Pousse-toi, chill, test. Taillons la fuite, vite, sortons du métro. Allons nous cacher dans les HLM un peu plus haut. Joe, quoi encore? Des interphones sonnent, montreur qui tue au microphone. Ils sont arrivés un matin par dizaines, par centaines. Sur des monstres de bois, aux entrailles de chaînes, sans bonjour ni question. Pas même de présentation, ils se sont installés depuis. Nous sommes deux malades atteints de microphonite. La simple vue d'un jour nous est interdite. Donne-moi le micro, donne-moi le, donne-moi le, donne-moi le micro, donne-moi le, donne-moi le, donne-moi le micro, donne-moi le, donne-moi le, donne-moi. Donc ce micro j'y peux rien, j'en suis à trop. Donne-moi le micro, donne-moi le, donne-moi le, donne-moi le micro, donne-moi le, donne-moi le, donne-moi le micro, donne-moi le, donne-moi le, donne-moi. Donc ce micro j'y peux rien, j'en suis à trop. Nous passons devant un parc où il y a des gosses qui jouent, dont l'un avec un Fisher Price cassette micro et tout. Mon petit, veux-tu bien me prêter ton jouet? Tu serais gentil, je me sens de l'essayer. Non! Bon, le merdeux, il la ferme et il me file le jouet maintenant. Maman, il m'a piqué mon micro! Allez, chill, on se tire! Pour aller où moi j'ai faim? Bon ben, McDo, ça te va, hein? Allez, viens! Je veux 3 cheese, un sprite avec des glaçons, mais pas trop. Et puis non, laisse-moi faire la commande et donne le micro! 3 cheese, un sprite, 2 big et 3 frites. Une portion de nuggets, bien cuite, vite. Ils sont arrivés un matin par dizaines, par centaines. C'est bon, allez, tenez. On sent du fast-food, ça sent le micro. Hey, la rue Cognacé, les fameux studios télé. Laissez passer déjà, je ne suis pas à l'heure. Je suis le nouveau sonorisateur et je viens pour qu'on me donne le micro, donne-moi, le donne-moi, le donne-moi. Le micro, donne-moi, le donne-moi, le donne-moi. Le micro, donne-moi, le donne-moi, le donne-moi. Donc ce micro, j'y peux rien, j'en suis à fond, donne-moi. Le micro, donne-moi, le donne-moi, le donne-moi. Le micro, donne-moi, le donne-moi, le donne-moi. Donne-moi le micro, Dorothée. Tu peux toujours appeler à ton secours les musclés, ce qu'il est léger en plastique moulé. Oh, c'est un mauvais micro de la marque Yoko. Changement de studio chez Pascal Sevran. Les rythmes sont navrants, les thèmes décevants. Tu dis que 92 c'est comme le rap s'est rappé. En 93 tu donnes le micro, t'es un vestige du passé. Un peu plus loin chez Foucault, on déambule dans les couloirs, les bras chargés de micros. Oh oh oh, mais qui vois-je là, ce brave traîné? Fou, oui, j'entends, je le crois pas. C'est le direct, ça y est, ça reprend, je le sens, je transpire. L'odeur du micro m'attire irrésistiblement. Charles, donne. Charles, j'ai dit donne. Ils sont arrivés un matin par dizaines, par centaines. Sur des monstres de bois aux entrailles de chaîne. Donne-moi le micro et le nom de ce que j'aime. Pas la peine de dire que le groupe s'appelle. Non, non, non, dis pas. Ah bon? Mais tu viens de dire que c'est pas la peine. Ah bon? Ben y'a quoi après? Ma foi. Ah oui. Après la sortie de ce maxi Donne-moi le micro, sorti en septembre 93, en prémisse donc de l'album, l'album Ombre et Lumière sort en novembre. Attention, il sort en 2 fois, puisqu'il est édité en 2 volumes. 40 morceaux qui confirment la verve des rappeurs marseillais. On y trouve beaucoup d'humour, une critique sociale et politique, une ode à la ville de Marseille bien sûr. Et il critique pas mal quelques problèmes d'actualité et il pousse le thème de la mythologie et du mysticisme au maximum, je dirais même au paroxysme. Et sur cet album, on peut dire que la richesse du son atteint vraiment là son apogée avec Imhotep au contrôle musical comme toujours depuis leur début. On voit là une très grande richesse de son avec beaucoup de samples qui sont pris dans beaucoup d'univers musicaux différents et notamment un morceau comme le 7 qui est construit sur 7 ans au lieu de 8. C'est là une performance en tout cas indiquée pour l'époque. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps pour vous passer tout ce qu'on devrait écouter de ce super double album, mais on va vous passer quelques morceaux qui me paraissent indispensables, notamment J'aurais pu croire, qui critique le contexte géopolitique de l'époque, début des années 90, et le texte n'a toujours pas pris une ride aujourd'hui, il pourrait être complètement d'actualité. On écoutera aussi le morceau L'aimant, un des meilleurs morceaux de la carrière d'Akhenaton, un morceau à la suite duquel il a d'ailleurs fait son propre film à la fin des années 90, le film Comme un aimant. On écoutera le morceau Cosmos, où là le thème du mysticisme est bien mis en avant par Akhenaton et Shuriken, et on terminera par un morceau solo de Shuriken qui s'appelle Le Fugitif. Mais tout de suite, le morceau éponyme de l'album, mais qui n'est pas sur l'album, c'est Ombre et Lumière. La lumière, le concret, un concept de clown. Quand l'ombre fond sur vous comme une armée de chnounes, la théorie des couleurs disparaît du décor. L'absence de photons met tout le monde d'accord. La reine est déchue, une nouvelle prend le sceptre. Et l'ombre fait sa place en dévorant le spectre. Elle recrache la lumière plus pure qu'avant. Régénère des têtes oubliées par le temps. Les mauvais jours attirés, la colère des cieux, l'intensité agressive déranger les yeux de Dieu. L'univers se renverse comme un vase quand le sombre conquérant chasse le clair dans les cases. Et que grand soit son règne pour l'éternité. Sa mutation de nature et d'identité, la postérité se souviendra toujours de ce jour où le jour devint la nuit, où la clarté s'obscurcit. Les anciens credos furent balayés très vite. De nouveaux discours, de nouveaux champs sémantiques, de nouveaux domaines. Un horizon déchiré par des comètes. Des ténèbres naquirent une nation de nouveaux poètes. Que l'ombre soit un arbre et je serai sa sève. Que l'ombre soit soldat et je serai son glaive. Dans l'attente que la genèse d'un rayon se manifeste, Abdelhakim a toujours le regard dirigé vers l'est. Vient le chaos puis le calme, puis la lueur jaillit avec la pureté d'une étoffe persane. Pouvoir et chimère, argent et pierre. Pourquoi mystère, ombre et lumière? Pour une fois la lumière jaillit de l'obscurité. Ce sont des ombres. Pour une fois la lumière jaillit de l'obscurité. Ce sont des ombres. Pour une fois. Pour une fois. Pour une fois la lumière jaillit de l'obscurité. Ce sont des ombres. Pour une fois. J'aurais pu croire en George Bush, mais voilà, vision des USA ne me satisfait pas. Justice à deux vitesses pour les blancs, pour les noirs. Le gendarme du monde ne mérite pas les gars. Ils sont intervenus au Koweït pour le pétrole et l'argent. Les droits de l'homme, rien à cirer au pays du clan. Les marchands d'armes condamnent, les patriotes coûtent cher. Coule la guerre vue d'un fauteuil, les soldats dans le désert. Il paraît que Georges me les shit, surtout quand ils se trouvent entre le Koweït et l'Irak. Les Kurdes peuvent attendre, vu qu'ils habitent près de la frontière turque au nord de Bagdad. Ce justice est fait respecter les résolutions à qui il veut, s'offrant une sortie de la Maison Blanche sous les feux. Quand un tomahawk tombe sur un hôtel, vous savez c'est normal, la DCA irakienne vise mal. Dites-moi, je voudrais savoir ce que ça vous fait de bombarder un pays qui a 6000 ans d'histoire. Rien pour les auteurs d'un génocide. Moi, j'aurais pu croire en Bush, mais je ne le crois pas. J'aurais pu croire en Saddam, mais voilà, sur le drapeau irakien il a fait écrire là. Comment peut-il faire ça après avoir persécuté, traqué les fervents musulmans pendant des années? Saddam, tu ne me feras pas croire à moi que tu fais la prière en dehors des caméras. Sais-tu au moins qu'exhiber son portrait dans tous les coins est interdit par notre livre saint, le Coran? Et tu blasphèmes, blasphème et blasphème, te prends pour Saladin, oubliant par là même qu'il était d'origine kurde, abusant ton peuple, manipulant les esprits à la guerre sainte appel. La guerre sainte se dit en arabe al-jihad fi sabilillah, l'effort sur le chemin de Dieu. Un document du Vatican précise: le djihad n'est aucunement le kérem biblique. Il ne tend pas à l'extermination, mais à étendre à de nouvelles contrées les droits de Dieu et des hommes. Que les serviteurs du bien le maudissent, moi, j'aurais pu croire en Saddam, mais je ne le crois pas. Croyez-moi si vous le voulez, je ne le crois pas. Croyez-moi si vous le voulez, je ne le crois pas. Croyez-moi si vous le voulez, croyez-moi si vous le voulez, je ne crois pas. J'aurais pu croire en Israël, mais les différentes religions n'y vivent pas en paix. Les deux tiers du territoire que les sionistes ont occupé par l'ONU en 48 n'ont jamais été attribués. Pense à tous ces Russes et ces Polonais fraîchement arrivés et qui ont chassé les Palestiniens qui habitaient sur cette terre et qui l'ont travaillé et chéri pendant des millénaires. On les a conduits dans des camps et dépouillés là. Ils furent massacrés à Sabra et Shatila. Dieu a signifié aux hommes de toutes les races: ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Après les tueries par ces chiens de nazis, je ne peux pas croire que vous ayez agi ainsi. J'ai rêvé une nuit de deux beaux frères jumeaux, Palestine et Israël en harmonie, souverains et égaux. Mes balles contre cailloux, canon à pierre, expulsé aux frontières, je ne puis me taire. Le David d'antan est devenu Goliath, moi. J'aurais pu croire Israël, mais je ne le crois pas. J'aurais pu croire en Khomeini, en son sectarisme. Son credo manque de beaucoup de réalisme, incapable de dissocier tradition et islam, rien qu'à la manière dont il traite les femmes. Dieu n'a jamais rien dit de si indigne, et chaque livre saint se comprend entre les lignes. Mélanger politique et religion signifie donner la victoire au matériel face à l'esprit, à l'humain face au divin, à l'instant face au passé. Quiconque croit en Dieu sur terre n'a pas besoin de diriger, l'histoire le prouve à chaque époque. Moi j'aurais pu croire en Ayatollah, mais je ne le crois pas. J'aurais pu croire en l'Occident si tous ces pays n'avaient pas eu de colonies, et lors de l'indépendance ne les avaient découpés comme des tartes. Aujourd'hui il y a des guerres à cause des problèmes de cartes. Morosité, quelle est la source? Ils ne gèrent sur jamais rien d'autre que la bourse. Eux aussi ont leurs intégristes fanas, catholiques, pyromanes qui mettent le feu au cinéma. Leur reality show, leur télé pourrie, leur voyeurisme à faire pleurer les mamies. La poudre aux yeux, telle est leur stratégie. Moi, j'aurais pu croire l'Occident, mais je ne le crois pas. Dans tout ce chaos, je sais où je suis, et je sais désormais où je mets les pieds aujourd'hui. Et ce n'est pas sans fierté que j'avoue avec moi que je pourrais croire en Dieu, en toi, en moi, et j'y crois. Croyez-moi si vous le voulez. Croyez-moi si vous le voulez. J'ai commencé à vivre ma vie dans les poubelles, dans un quartier de cramé où les blats t'attraquent sous tes semelles. Salut, salut, ça va? Les mecs observent ta voiture neuve en te félicitant et t'enculent dès qu'ils le peuvent. Putain, c'est dément, les gosses de 10 ans, ils parlent déjà de faire de l'argent. Et tu le comprends quand le quartier est l'unique exemple où l'on monte des statues aux dealers de blanche, aux braqueurs de banque sur les murs. Pas de graphe extraordinaire que des traces de pisse et police le camp de ta mère. J'ai 13 ans quand ma carrière débute avec les bacards des grands dans la rue, avec marteau, cutter et U. Bon gré, malgré, j'essayais tout pour sortir d'ici. La serviette sur le dos. Je traçais à la plage pour brancher les filles. Quand elles me demandaient où j'habitais, je leur répondais chérie, juste à côté, la villa du dessus. Excuse-moi, ce ne sont pas les mecs de ton quartier qui volent les affaires des gens qui sont allés se baigner. Griller. Qu'est-ce qu'il vous a pris de venir ici? Ce putain de quartier me suit pour leur prouver. Je devais voler des t-shirts, des serviettes, des sacs, je partais chargé. Et quand je n'étais pas à la cité, assis sur un banc, c'est le quartier qui venait m'étouffer comme un aimant. Ils nous ont envoyés en colonie, dans des stations alpines pour aller faire du ski. Au lieu de nous séparer, ils avaient gardé le quartier en troupe. Individuellement, on n'était pas des mauvais bourreaux, mais la mentalité de groupe s'exporte aussi fort qu'on la palpe. On a mis le feu aux Alpes, le retour furieux d'un choc produisit dans mon esprit un incontournable bloc aussi dur qu'un rock. Je raconte, c'est tout, je ne veux pas m'absoudre. J'ai gratté du plâtre et les vendus au prix de la poudre, l'acide de batterie comme une plaisanterie. Si tu n'en riais pas, mon gars, tu étais hors de là aussi. Les nuits d'été, j'allais regarder le ciel sur le toit du supermarché. Je ne sais pas pourquoi, tout à coup je me mettais à chialer au creux de mes mains. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le jour d'anniversaire de mes 17 ans, je plonge comme un âne. 4 ans dedans, j'ai vu encore les mêmes têtes et les mêmes vis, la même bête. Celle qui m'a tiré m'attire sans relâche, me tire à peine mes souvenirs en n'en plus finir comme un aimant. Oui, j'en suis sorti, pas si bien qu'on le dit. Heureux de pouvoir retrouver la famille, les amis. J'en suis revenu et mon frère y est parti. Mes parents auraient souhaité avoir du répit. Quand je suis descendu, les mêmes poutres tenaient les murs. Salut les gars, je vois que vous bossez toujours aussi dur. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Un truc, je gagne en un jour ce qu'on me donne en un mois dans leur truc. Écoute fils, le biz, voilà ce qui ramène vite de l'argent et des skis. J'ai choisi une autre voie, la musique avec mon ami François. On taquinait les disques, en ce temps-là, j'avais une femme belle comme le jour. La première que j'appelais mon amour, jusqu'à ce qu'elle me dise qu'elle était enceinte de moi. Comme un gamin, je l'ai prié de dégager de là. Écoute, écoute, écoute, écoute, s'il te plaît, tu m'as piégé. Alors fais-moi le plaisir de virer 12 mois après. Je suis allé voir le gosse et c'est fou. Je suis tombé amoureux de ce petit bout de rien du tout. Et décidé de prendre des responsabilités. Surtout qu'au fond de moi, cette fille, je l'aimais. Tout en évitant d'aller avec elle dans le quartier pour ignorer les railleries, les crapuleux qui ont bloqué. Puis notre musique est passée de la cave à l'usine. Nos têtes à la télé en première page de magazine. Mais jamais, oh jamais, nous avons gagné assez pour pouvoir nous en tirer. Mes parents étaient si fiers que je n'ai pas eu la force de dire combien je gagnais à ma mère. Nous étions devenus un exemple de réussite pour le quartier. S'ils savaient, une famille à charge, il me fallait de l'argent, j'ai dealé. Et j'ai pris 2 ans, les gens si ouverts qu'ils soient ne peuvent pas comprendre. Ils parlent des cités comme une mode, ils jouent à se faire peur. Puis ça les gonfle au bout de 6 mois. Mais j'apprécie les chansons qui parlent des crèves comme moi. Je ne suis pas l'unique, je ne veux plus qu'on m'aide. Je ne peux pas tomber plus bas, je suis raide, accroché à un aimant. Sur un point infime de l'univers courbe, un paradis a été créé. Un instant détourne le regard sur les étoiles et leur lumière. Des millions de vies possibles autour de la Terre. Dire qu'ils croyaient à la platitude de la planète. Ceux qui parlaient de serre ont perdu la tête. À travers cela, on a réalisé l'insanité, les vanités, les folies de l'humanité. Mais tous savaient que rien ne se perd dans l'univers. Pas de disparition de matière. De Démocrite à Mendeleïev, 2000 ans, un classement, le tableau périodique des éléments. Les molécules, structures atomiques, donnent matière minérale et organique. La vie est née de l'infiniment petit, et l'homme prend conscience seulement aujourd'hui que ce qu'il y a dans son corps ressemble étrangement au système solaire et aux astres brillants. Des frissons me parcourent en fixant et scrutant au ralent. Je m'incline prisonnier du 7 et contient le cosmos. Dans le cosmos. rôle dirigeant septentrional, issu d'une philosophie restée dans les annales. Bien longtemps, sais-tu, pendant des siècles, il conversa avec ce qu'il y avait derrière le ciel. La vérité ne se trouve qu'à l'intérieur de soi, mais l'homme a détruit son véritable moi. Régi par les lois du matérialisme, décomposant l'univers comme le ferait un prisme, avec la lumière que l'on refuse de toucher. Car il est clair qu'il faut vouloir pour essayer élever sa spiritualité, intérieurement chercher à s'éveiller. L'univers subit un dérèglement croissant, on oublie que notre rôle est important. Comment parler d'harmonie avec les énergies suprêmes lorsqu'on est en total désaccord avec soi-même? Que l'on se blottit sous l'aile de la compassion ou sous l'anthropomorphisme d'une religion. Nous étions censés maintenir une symbiose, en fait nous avons trahi le cosmos. Chaque être a une place dans l'espace, et le vide est comme une grande glace. La vitrine où le silence plane, une exposition des plus beaux objets de la création. Des bijoux rangés dans une cassette, leur œuvre minutieux, tout est clair, tout est net. La hauteur, la largeur, la longueur, la position de toute forme se déplace en trois dimensions. Attention, le temps, prince magnifique des mesures accouchant du passé, du présent, du futur. Et je joins mes mains, la série c'est les mots, augmente le pourcentage d'activité dans mon cerveau. Tout est opposé, mais équilibré, la chaleur, le froid, la sécheresse et l'humidité, le bien, le mal, le jour et la nuit, le yin et le yang, s'embrassant comme des frères à l'instant du Big Bang. L'homme n'a plus les pieds sur terre mais dans sa merde, et attend impatient que son ignorance le perde. Il croit en lui et en sa vision hémisphérique, en 360 degrés et l'horizon panoramique. Le danger vient dans son dos comme Thanatos, car il a négligé ses origines, le cosmos. Une étoile s'éteint, une autre la remplace, il en est ainsi pour toute chose, c'est inévitable. La vie, la mort, le clair, le sombre, tant de dualité. Parfois on choisit, parfois on ne peut s'y dérober. Mais en tant que médiateur entre le ciel et la terre, régi par l'un et dépendant de cette dernière, notre tâche est d'assurer la liaison. Mission non remplie par la façon dont nous vivons. Seuls quelques-uns d'entre nous ont reçu le message. Cela nous dépasse, nous les appelons sages. Peut-être qu'un jour, dans les années qui viennent, nous comprendrons le langage pourvu qu'il nous parvienne. Et d'autres s'engageront sur le chemin des IVIN. Car tout baobab ne fut d'abord qu'une simple graine. Je délaisse un instant ce que vous qualifiez d'utopique. Dans la position du lotus, je vide mon esprit. Atteint le moché, n'affûte ma perception. Laisse les ondes m'envelopper comme un cocon. Mon âme s'éveille, l'énergie se renouvelle. Rivalisant avec Thanos, je contiens le cosmos. Et ça, mais toi là ne la ramène pas. De ton avenir, ce sont les principes de base. J'ai pris ce chemin pendant pas mal d'années, c'est vrai. Puis vint le jour où je décidais de m'évader, me libérer de chaînes devenues trop lourdes à porter. Sans me soucier du fait qu'il me faudrait recommencer. J'ai donc suivi le chemin emprunté par tous ces gens qui ont envie enfin de vivre leur vie pleinement. Y'en a marre d'être obligé 5 jours par semaine de se frapper un boulot auquel on pensait à peine, mais que l'on prend parce qu'on n'a pas le choix. Sinon pas de travail, pas d'argent et donc aucun droit. Alors soit, ok, j'aurai un métier, mais pas n'importe lequel, je le choisirai. Car d'autres ont pu faire ce choix, alors pourquoi pas moi? Question de volonté, de courage, de foi. Et tant que j'aurai le privilège d'être sur scène, de sentir la chaleur s'accroître dans mes veines, je garde mon micro au diable, les repas gamelles. J'ai trop de choses à dire, je reste, ne vous en déplaise. Seulement voilà, je fais du RAP et non de la variété. Les problèmes vont affluer, normal, la franchise est de rigueur. Cela risque fort de gêner certains beaux parleurs qui voudront nous boycotter, nous empêcher de clamer ou réclamer la vérité. Chose qu'ils n'ont jamais donnée. Pas de chance, rien ne m'arrête, je demeure actif et loin de vos obligations, je reste un fugitif. Un fugitif, et aucune barrière ne m'arrête. Un fugitif. Jamais vous ne me rattraperez, et quand bien même vous le feriez, vous n'auriez pas gagné. Mon esprit est complexe, il vous faudra tout effacer. Mes idées sont sur fichier, vous n'avez pas le code d'accès. Encore un qui vous échappe, putain quelle poisse. De plus c'est un noir, cela vous agace. Cherchez la solution, faites-vous une raison. J'y étais, hop, disparition. Ha, je suis à présent libéré de mes contraintes quotidiennes normales. Je fais un boulot que j'aime, mais qui vous déplaît, car je dévoile l'effet J'en ai fait ma profession, il me faudrait un siècle entier. Pas de problème, je relève le défi et j'enchaîne. Brise mes chaînes et poursuis ma route quoi qu'il advienne. Comme tout le monde ici-bas, j'essaie de faire ma place dans le marécage des dalles de la réussite sociale. Comment voudriez-vous qu'il en soit autrement? Vous vous en sortez si bien en magouillant. Mais franchement, arrêtez de nous prendre pour des pampignoles. Sur Mars, côté business, on n'est pas des guignols. Et puis on a bien d'autres choses à faire que de vous regarder, bouche bée, mettre à sec nos artères. Voilà pourquoi de tous côtés on vous siffle. Chaque jour un esprit s'éveille et devient par là un fugitif. Un fugitif et aucune barrière ne m'arrête. Un fugitif. Chacun fait ce qu'il peut en fonction de ses moyens. Certains n'ont pas le choix, d'autres ont plusieurs chemins. Il est prouvé que l'habitude est manquablement lasse. Et les morales fragiles finissent par boire la tasse. Puis se jettent dans un remède qui n'est pas le bon, certes. Mais qui fait qu'ils n'ont plus l'air de masse inerte. Ça c'est leur problème, je n'ai pas besoin de ça. Ni de vous, ni de rien d'autre, seulement ma voix. Vous aimeriez me supprimer ce choix d'être ce scène et d'allouer la faute à qui est droit. Laissez-moi rire et de vous à moi. C'est pas demain la veille que cela se fera. J'ai jamais eu envie d'être un jeune cadre dynamique, de faire des courbettes devant un PDG trop hypocrite. Je préfère de loin l'ambiance des concerts, sentir qu'avant d'entamer le show, mon estomac se serre. Voir des gens délirer, danser sur ma musique, me dire que je suis utile, fantastique. Évidemment, vous ne pouvez pas en dire autant, pas étonnant. Les heureux que vous faites sont de votre gang. Aussi restez dans vos pantoufles et lâchez-moi les baskets. J'ai choisi ma route et solo swing et pas le maquette. Surtout n'essayez rien de toute façon, esquive. Bye bye, hasta la vista, et bien le bonjour d'un fugitif. Un fugitif. Yeah. Spéciale dédicace à tous les fugitifs. Uptown in the house, soul swinging radical. XBS, Posse, Los and Family. Sens unique.